C'est de la folie, mais c'est de la folie, mais c'est de la folie, mais c'est de la folie, mais c'est de la folie, mais c'est de la folie. Fallait, fallait, fallait, ce manant s'aperture. Oh, quel divin trou, adieu, quel précipice, quand nous sommes dans la vallée, où l'herbe est fraîchement coupée, elle ne demande qu'à être arrosée, quand on arrive à ce rein. Les ballons de la rivière, de gros glands au sol prennent le pas, davantage mal à aiguiser. Les apprentis branlent leur mouchoir. Voilà, dis pas qu'on est 14 juissés. Jouissez, allez, allez, jouissez. Tous les artificiers sont prêts à dégainer, assis dans la rosée, les pétards mouillés. T'envie, t'es de toi, t'es pas encore rentré. Ah ouais, j'en rentre le corps. Ah ouais, c'est vite un passé sombre. Ah ouais, faut que je lâche la lèche. Ah ouais, je me prends les pieds dans le tas. Et puis toi, avec tes deux jumelles, j'te vois, j'te vois. C'est de la folie, c'est de la folie, mais c'est de la folie, mais c'est de la folie, mais c'est de la folie, mais c'est de la folie, mais c'est de la folie, mais c'est de la folie, mais c'est de la folie. Faut que je la prenne par cœur. Comment se fait que dans l'impasse ça baisse? Comment se fait que je remonte les traces, se remettre devant le robinet et la babo, et la vallée obligée d'oublier cette rondelle était tiède? Pourquoi ça fesse, fesse? Pourquoi ça fesse, fesse? Archipel, il a confesse. Mais perdu, mais c'est de la folie, mais c'est de la folie, mais c'est de la folie. Mais c'est de la folie.